Vacances sans fibre. Quelques jours avant le reste de sa famille, Faustine quitte Ohain. Elle prend le train en gare de Bruxelles midi. Elle rejoint son oncle et sa tante à Bâle. Sitôt les derniers cartons scotchés, papa et maman la rejoindront comme convenu. Ils fêteront ensemble les 90 ans du pépé avant d'aller présenter Faustine à sa nouvelle famille d'accueil. Cette fois, l'adolescente voyage seule. Maman estime qu'à 13 ans, elle est assez mûre pour se prendre en charge. Aussi, elle est ravie de s'éviter les frais d'accompagnement pro juventute. Dans le train, maman repère un compartiment occupé par un prêtre, soutane noire et col blanc. Elle lui confie tout de go la responsabilité de sa fille. Faustine est munie d'argent de poche, de journaux et de biscuits. Elle n'est pas censée bouger avant l'arrivée au terminus. Comme monsieur l'abbé semble beaucoup plus intéressé par son vis-à-vis, tout aussi grisonnant que lui, Faustine, sous le prétexte d'aller aux toilettes, lui fausse rapidement compagnie. Elle prend ses petites affaires et part en vadrouille dans les wagons. La jeune fille se faufile derrière les fumeurs qui occupent les couloirs et monopolisent les cendriers. Elle jette un œil discret en passant devant les compartiments, presque tous occupés par la grande migration des ouvriers en congé payé. Des familles entières de vacanciers descendent au chaud. Ils ouvrent les paniers à pique-nique sans attendre. Les filets à bagages débordent. Des matrones en sueur, engoncées dans d'étonnantes robes aux imprimés agressifs, distribuent aussi bien taloches que sandwichs à une marmaille bruyante et gesticulante. Faustine, toute contente de son autonomie, s'empresse de prendre la fuite avant de recevoir une balle perdue. Trois wagons plus loin, elle arrive au restaurant. Une place se libère. Elle s'installe et commande une première limonade. Elle ouvre un journal et savoure l'instant. 7 heures plus tard, le train arrive en gare de Bâle. Faustine a dépensé la moitié de ses 3 mois d'argent de poche en friandises et elle a fini toutes ses lectures. Tonton Valtier et Tata Maria l'attendent sur le quai. Comme ça fait du bien de les revoir. Tonton, rigolard comme toujours, prend sa valise et le trio se dirige vers la Dornerstrasse, où le couple loue un 2 pièces cuisine au rez-de-chaussée d'un bel immeuble de 3 étages. Quand Faustine vient les voir, elle dort sur le canapé du salon. Pendant que la fillette se prépare, tonton lui explique le programme. Demain matin, elle ira au bureau avec sa tante, puis l'après-midi, elles iront magasiner et prépareront le week-end que tous trois passeront ensemble. Tonton Valti est électricien. Il est à son compte et travaille seul. Sauf quand on lui confie un grand chantier, auquel cas il engage 1 ou 2 ouvriers supplémentaires. Au bureau, Tata Maria prend les appels des clients et s'occupe des stocks de fournitures, du secrétariat et de la comptabilité. Quand c'est calme, elle tricote. Ce matin-là, après avoir fait quelques colliers de trombone et joué avec les tampons encreurs, Faustine s'ennuie, l'œil rivé sur la grosse horloge murale. Elle est impatiente de passer à la suite. Vers midi, tonton rentre enfin et pose tout son barda. Ils partent, fissa, vers la Dornerstrasse. Après un repas rapide, Faustine et sa tante s'activent à la Migros. Le caddie chargé, elles passent à la caisse. Maria s'est offert une montre à 25 francs, une fortune à l'époque, et l'oublie au milieu des sacs dont le caddie, hors de vue de la caissière. Après avoir payé le reste des courses, Tata Maria s'éloigne déjà quand Faustine aperçoit l'objet et signale la chose à haute et intelligible voix, malgré le regard explicite de sa tante intimant le silence. La caissière surprend l'échange et hausse un sourcil accusateur. Maria essaye de sauver la face en prétextant un oubli. Avec maintes excuses en berlificoté, elle paye son achat, camouflant son embarras dans un discours confus, pendant que l'autre, derrière sa caisse, l'arrose de son mépris. Dehors, Maria, encore toute pâle, essaie d'expliquer à une Faustine justicière qui n'a pas oublié la leçon de ses 8 ans quand elle a volé la friandise dans le magasin de diététique que ce genre d'accident peut arriver à n'importe qui. Mais Faustine, aussi impitoyablement intransigeante qu'une adolescente, lui fait à son tour un long discours sur l'honnêteté avant d'accepter une double meringue glacée comme prix de son silence. Tout cela restera une affaire de femme, et tonton n'en saura jamais rien. Maria peut compter sur elle. Dès leur retour, Tata prépare sa fameuse salade de pommes de terre avec les patates cuites de la veille. Enfin, tonton rentre du boulot, pose son barda, et le trio prend la route en direction du camping. La caravane du couple est placée à l'année dans un camp de naturistes situé en Allemagne, à une trentaine de kilomètres de Bâle. Faustine n'y est encore jamais allée. Tonton lui explique qu'elle est libre de se déshabiller ou pas. En général, les jeunes arrivent à rester nus jusqu'à l'adolescence. Vers les 16 ou 17 ans, ils se rhabillent et disparaissent, revenant quelques années plus tard avec conjoint et enfants. La pudeur de chacun est respectée. Simplement, ceux qui souhaitent rester habillés n'ont pas le droit de se promener dans les secteurs publics réservés aux naturistes. Faustine n'est pas très délurée dans son genre, contrairement aux enfants citadins évoluant au sein d'une fratrie plus âgée. Ce n'est pas Stéphane, plus jeune de 5 ans, qui risque de lui donner le mauvais exemple, n'est-ce pas? Les enfants n'évoluent pas à l'identique. Faustine, d'autant moins que maman évite, autant que possible, de la mettre en situation avec des jeunes plus dégourdis. Maman aime garder le pouvoir. Elle dit « Je vais te dresser, moi !» Elle dit aussi « Celui-là, j'en fais ce que je veux !» Elle aime bien diviser pour régner. Mais de cela, Faustine ne s'en rendra compte que beaucoup plus tard. Par conséquent, en cette belle journée d'août, elle ne voit pas Malice à se déshabiller comme tout le monde. Elle est encore impubère et à son grand désespoir, on lui donne facilement 2 ans de moins que son âge. Enfin, pas tout le monde, parce que l'autre soir, dans la piscine, un vieux bonhomme a essayé de lui attraper la cheville sous l'eau. Heureusement, elle nage vite. Faustine adore le camping. Maman dit que c'est un truc de pauvres qui ne peuvent pas se payer l'hôtel. La caravane est entourée d'une haie vive. Il y a des fleurs partout. Le soir, on rabaisse la table du coin repas, on pose un matelas dessus. Et voilà, sa chambre est prête. La plupart du temps, ils prennent leur repas dans le jardin, tout nus au soleil. Au début, Faustine, qui n'a jamais vu d'adulte nu, observe en catimini de tous ses yeux. Puis, elle s'habitue. Son oncle et sa tante lui semblent tellement vieux qu'elle ne peut pas s'identifier à eux. Elle trouve vraiment pratique de vivre sans entrave et sans risque de tacher ses vêtements. Le trio ne reste pas tout le temps près de la caravane. Parfois, il boit l'apéritif chez des amis. Malgré le barrage de la langue, Faustine tente de lier connaissance avec les enfants de son âge, lorsqu'ils en ont. D'autres fois, ils vont déguster une glace au bistrot du camping. Le soir, on organise des jeux de société. Le fameux yas, que maman a déjà essayé de lui apprendre sans grand succès. Le matin, tonton essaye d'initier Faustine à la douche glaciale en extérieur. La fillette s'encourage mais recule rapidement devant l'obstacle et abandonne. Elle préfère rester sale. Et tant pis si on la traite de mauviette. 3 jours plus tard, on plie bagage. Demain, papa et maman arrivent.